C'est moi là ? C'est pas vrai. C'est moi qui est aussi grand que ça ? Montre-moi. Regarde. Tu crois que c'est moi ça ? L'homme en blanc ? Je sais pas où que c'est moi. Attends, faut que je regarde. Ben oui. Hein. Non ? Regarde-moi. J'avais des cheveux de ce moment-là. Hein. Oui, mais c'est toi. C'est moi, mais ouais. J'étais grand, dis donc. J'étais grand. Deux minutes, il en avait plein. Hein. C'est juste pour récupérer mon petit. Ces musiciens, mon Dieu, sont capables de se profiler n'importe. Allez, les copains, allez-y. Mais sort là. Je l'ai mis dans l'assiette, mais je ne les ai pas mangés. Quoi qu'une friture de papillon, il faut réfléchir à ça. Pas mal là. Oui, t'as raison. Alors là, ça yes. Devait être derrière chez nous alors? Le décor me dirait du tout. Donc ça pouvait bien être. Et tu vois pas une tonnelle. Putain, c'était de quelle année ça? Oh, c'était... Oh, tu dis, c'est pas qui tu ressembles là? À la Dolores.